Psaume 129. Cantique de Mahalot. Qu'Israël dise maintenant, ils m'ont souvent tourmenté dès ma jeunesse. Ils m'ont souvent tourmenté dès ma jeunesse, toutefois ils n'ont point encore été plus forts que moi. Des laboureurs ont labouré sur mon dos, ils y ont tiré tout au long leur sillon. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Tous ceux qui ont sion en haine, rougiront de honte, et seront repoussés en arrière. Ils seront comme l'herbe des toits, qui est sèche avant qu'elle monte en tuyau, de laquelle le moissonneur ne remplit point sa main, ni celui qui cueille les javelles n'en remplit point ses bras, et dont les passants ne diront point, « La bénédiction de l'Éternel soit sur vous, nous vous bénissons au nom de l'Éternel ».